Vous croyez qu'il fera beau ? Je ne sais pas, mais j'aimerais qu'il fasse beau. Vous croyez que Marie viendra ? Je ne sais pas, mais j'aimerais qu'elle vienne. Vous croyez que les enfants partiront ? Je ne sais pas, mais j'aimerais qu'ils partent. Vous pensez que leurs amis reviendront ? Je ne sais pas, mais j'aimerais qu'ils reviennent. Vous pensez que Max réussira ses examens ? Je ne sais pas, mais j'aimerais qu'ils réussissent.